الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ فغن الله عز وجل، on était arrivé au chapitre qui a pour titre شرعيات إقامة الحدود، toujours dans le cadre de l'étude des fondements de la sunna ou sur le sunna de l'imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé à ce chapitre-là, mais j'avais promis, j'avais déjà commencé d'ailleurs, de faire un point sur la position des gens de la sunna du consensus, al-sunna al-jama'a, sur celui qui commet un grand péché, ce qu'on appelle murtakib al-kabira. Hein? On avait déjà commencé ça, mais on va tout refaire aujourd'hui, inshallah. Puis on va s'attacher à étudier le chapitre avec l'explication du Cheikh Rabi, inshallah. Et puis on va apporter quelques bénéfices en plus par rapport à ce chapitre, inshallah ta'ala. Donc le jugement de celui qui commet un grand péché, c'est par Cheikh Ali al-Haddadi hafidhahullah ta'ala, qui est parmi les shuyukh salafis qui se trouvent actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite. Il dit, dans un article qui est disponible sur son site, et cet article-ci en français d'ailleurs sera disponible sur le nôtre, inshallah, très bien, très prochainement, il dit « تنقسم الذنوب عند أهل السنة والجماعة إلى كبائر إلى كبائر وصغائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم في صحيحه. Chez les gens de la sunna et du consensus, les péchés se divisent en petits péchés et en grands péchés. Et on avait dit aussi, on peut dire en péché mineur et péché majeur. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, qui vous ont été interdits ou qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Sourate Nisa, verset 31. Il y a un hadith d'après Abu Huraira radiallahu anhu ardah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'une des cinq prières à l'autre, et on parle ici des cinq prières journalières prescrites, comme ça a été expliqué par les ulama, et de la prière du vendredi à la prière du vendredi, il y a une expiation pour ce qu'il y a entre elles comme péché, écoutez bien, c'est la restriction qui est faite, si des grands péchés ne sont pas commis. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim dans son authentique numéro 233. Et pourquoi je l'ai traduit de cette manière, de l'une des cinq prières à l'autre? Eh bien, c'est une traduction qui est basée sur l'explication de ce hadith de Sahih Muslim par Sheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi, volume 6, pages 166 et 167. Puis Sheikh Ali al-Haddadi, hafidahullah ta'ala, il continue en disant « وَالْكَبِيرَةُ فِي تَعْرِيفِ الْمَشْهُورِ فِي التَّعْرِيفِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ » Maintenant, on parle de quoi? Murtakib al-Kabira, c'est-à-dire celui qui commet un grand péché. C'est quoi la position des gens de la sunna et du consensus par rapport à lui? Et on va voir les différentes sectes, qu'est-ce qu'ils croient par rapport à celui qui commet un grand péché, inshallah. Et maintenant, il convient de définir, et ça fait partie du bon enseignement de ce shir-là, mais c'est quoi? Un grand péché. Il dit, « كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو غضب أو براءة أو رتب عليه حد أو وعيد خاص » Puis dans des exemples encore. « ومن أمثلة الكبائر عقوق الوالدين وقطع الرحم وشرب الخمر » والزنا واللواط شهادة الزور والقتل بغير حق وأكل الربا والحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال. Il dit, et le grand péché est, dans la définition connue chez les gens de science, tout péché scellé par une malédiction. Hein? Par exemple, la'ana man fa'ala kada wa kada. Exemple, d'accord? Ou le feu, fa'wa finnar, par exemple, d'accord? Ou la colère, ou le fait d'être innocenté, comme dans le hadith, vous trouvez inni bari, hein? Je suis innocent de celui qui fait telle ou telle chose. Ou qui nécessite une peine légale. On a déjà parlé un peu de, hein, des peines légales, et on va encore parler aujourd'hui, de manière un peu plus spécifique, Inch'Allah, de la législation des peines légales dans la législation de l'islam. Et il dit, ou une menace spécifique, c'est-à-dire qu'il y a une menace spécifique par rapport à quelque chose, et donc tout ce qu'il vient de dire ici rentre dans, ou si quelque chose rentre là-dedans, eh bien ça rentre dans les grands péchés. Et il donne des exemples, il dit, et comme exemple de grands péchés, la désobéissance aux parents, couper les liens de parenté, consommer de l'alcool, la fornication, les relations homosexuelles, le faux témoignage, tuer sans aucun droit, manger de l'argent de l'usure, de riba, et juger avec autre que ce qu'Allah a révélé, sans pour autant rendre cela quoi ? Licite. Parce que sinon c'est quoi ? C'est un kufr. والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها عند جمهور أهل العلم ولا يمتنع أن يكون من الأعمال الصالحة ما قد يحصل به تكفير جميع الذنوب. Et les grands péchés ne sont expiés que par le repentir chez la majorité des gens de science. On ne va pas rentrer dans le détail, on va laisser ça comme ça ici, Inch'Allah. Et il n'est pas impossible qu'il y ait certaines actions vertueuses qui soient une expiation de tous les péchés. Maintenant, on parle plus proprement dit du sujet, c'est quoi ? Hukm murtakib al-kabira dun istihlal. Et ça, c'est important, c'est un qaïd qui est important. Ici, quand on dit que la position des gens de la sunna par rapport à celui qui a commis un grand péché, on parle à celui qui le commet sans le rendre le juger ou le rendre quoi ? Licite. Parce que quiconque juge un grand péché licite, eh bien c'est quoi ? C'est un kafir, on ne parle pas de ça ici, nous. Il dit, awalan, madhab ahli sunnati wal jama'a annahu mu'minun naqis al-iman. Yusammunahu musliman fasiqa. Et on avait déjà dit dans le cours précédent que les ulama lui donnent un autre nom qui est Al-Fasiq Al-Milli. Al-Fasiq Al-Milli. فَلَا يُثْبِتُونَ لَهُ الْإِيمَانَ الْكَامِلُ وَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ أَصْلِ الْإِيمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ قَدْ أَثْبَتَ لِمُرْتَكِبِ الْكَبِيرَ الْإِيمَانَ فَقَالَ فِي الْقَاتِلِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فَأَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُخُوَّةَ الْإِيمَانِيَّةَ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَأَوْلِيَاءِ الدَّمِ وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سورة الحجرات فأثبت لهما وصف الإيمان مع كونهما متقاتلتين. Le jugement de celui qui commet un grand péché sans le juger comme étant quoi ? Licite. Bien, premièrement, la voix des gens de la sunna du consensus, la voix des salafis, la voix des gens du hadith, hein, la voix des gens du athar. Eh bien, la voix des gens de la sunna du consensus est qu'il est un croyant qui a une foi diminuée. Et il l'appelle musulman pervers. C'est-à-dire, c'est quoi ? Les ulama, ils utilisent une expression très connue. Il faut apprendre à retenir ce genre d'expression. Ils disent « Mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi ». C'est-à-dire qu'il est croyant de sa croyance, mais il est fasiq en raison de sa, de son grand péché. D'accord ? Mais il est toujours quoi ? Il est toujours croyant. Donc ici, il dit « et il l'appelle musulman pervers ». Il ne lui attribue donc pas la complétion de la foi, c'est-à-dire une foi complète. Mais ne nie pas non plus qu'il est la base de la foi. Car Allah le Très-Haut a affirmé que celui qui commet un grand péché est encore un croyant en disant au sujet de celui qui tue autrui sans aucun droit, ce dont la traduction du sens est, mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Il appelait comment ? Mais celui à qui son frère. Hein, surat al-Baqarah, verset 178. Donc Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, a donc affirmé la fraternité de foi entre le meurtrier et la famille de la victime. Awliya ad-dam, c'est-à-dire ceux qui ont le droit du sang, d'accord, hein, la famille de la victime. Et sa parole, dont la traduction du sens est, subhanahu wa ta'ala, et ces deux groupes, écoutez comment il les a appelés Allah, subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani min al-mu'minin. Et ces deux groupes de croyants se combattent. Allah les appelait comment ? Hein ? Croyants. Faites la conciliation entre eux. Surat al-Hujurat, verset 9. Il leur a donc affirmé à tous deux, c'est-à-dire aux deux groupes, l'attribut de foi, alors que tous deux s'entretuent. D'accord ? وَهَكَذَا جَاءَ فِي سُنَّةِ النَّبَوِيَةِ فَفِي الْحَدِيثِ عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذا الشابتر الذي يأتي بخصيصة أصول السنة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، قال فبايعناه على ذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ البخاري. Nous, on avait déjà lu dans le cours précédent, mais on rappelle pour qu'on garde le tout en même temps, qu'on ne perde pas le fil des idées. Dans le hadith de Ubadah ibn Samit, car le très haut l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était au sein d'un groupe parmi ses compagnons, « Prêtez-moi l'allégeance sur le fait que vous n'associez rien à Allah, et que vous ne volerez pas, et que vous ne forniquerez pas, et que vous ne forgerez pas un mensonge, ni devant vous, ni derrière vous, et que vous ne désobéirez pas au sujet de quelque chose de convenable. Celui parmi vous qui tiendra cet engagement aura sa récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui commet quelque chose parmi ces choses interdites, et qu'il aura été châtié en raison de cela dans ce bas monde, cela est pour lui une expiation. » Ça vous rappelle le chapitre qui vient de passer, ou un des chapitres qui vient de passer, qui est quoi? Que Al-Hudud. Hein? Kaffarat. Les peines légales sont de quoi? Des expiations, d'accord? Et celui qui commet quelque chose parmi ces choses interdites, mais qu'Allah a caché, son affaire revient à Allah. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. D'accord? On avait dit que c'était la position des gens de la Sunna par rapport à celui qui meurt, hein, en ayant fait une kabira, mais qui s'en est pas repenti. Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, il a dit, nous lui prêtâmes alors allégeance sur cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais la formulation ici, elle est de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Un autre hadith, « وفي الصحيحين من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر رضي الله عنه أرضاه إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر فدلت هذه الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه لكن آخر أمره إلى الجنة ولو كان يكفر بكبيرته لكان من أهل النار خالدا فيها مخلدا. Et dans les deux authentiques, d'après le hadith d'Abu Dharr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de serviteur qui dit la ilaha illallah. Hein? Et la traduction correcte de cette attestation de foi, c'est « Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah » et qui meurt là-dessus sans qu'il autre rentre au paradis. Et on voit quoi? L'importance de kalimat al-tawhid. Hein? L'importance du tawhid, l'importance de l'unicité. Je dis, c'est-à-dire qui est Abu Dharr. Et ce même s'il fornique et vole, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce même s'il fornique et vole. Il dit, je dis, et ce même s'il fornique et vole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce même s'il fornique et vole. Je dis, et ce même s'il fornique et vole, il dit, et ce même s'il fornique et vole et n'en déplaise à Abu Dharr. Et d'ailleurs, et Abu Dharr, lorsqu'il rapportait ce hadith, radiallahu anhu disait, et n'en déplaise à Abu Dharr. Hein? Et je vous avais dit qu'il ne faut pas avoir un mauvais soupçon ici envers Abu Dharr. Hein? Comme l'a dit Cheikh l'Éthiopie dans son explication du hadith, et penser qu'il s'est opposé au prophète alayhi salatu wasalam. Non, c'est juste parce que les sahaba, hein, ils regardaient leur niveau de taqwa, ils voyaient zina sariqa comme quelque chose de très grand, de très grave. Ces hadiths indiquent donc que celui qui commet un grand péché est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonne et s'il veut, il le châtie, mais sa dernière destination est le paradis. Et s'il avait mécru, écoutez bien ce point-là parce qu'il est important, et s'il avait mécru en raison de son grand péché, il aurait fait partie des gens de l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est déjà une réfutation de l'aqid al-khawarij. Hein? Qu'on va voir des mu'tazila et puis on va parler aussi d'un autre groupe qui est le murji'a, inshallah. وأما الدليل على نقصان إيمانه بكبيرته فعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم فلما نفى عنه الإيمان دل على أن إيمانه ليس بكامل ولا يظن الظان بأن نفي الإيمان عنه نفي لإيمانه كله لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فلما ثبتت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة دل على أن النفي إنما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي أصل الإيمان. Ça c'est un point très très important à comprendre. Tandis que la preuve sur la diminution de sa foi, pourquoi il dit ça? Parce qu'on a dit au début que la position des gens de la Sunna du consensus, c'est que celui qui est musulman et qui commet un grand péché, eh bien, il est toujours musulman s'il ne le rend pas licite, mais que quoi que sa foi, elle est diminuée. D'accord? Eh bien, justement, il dit, tandis que la preuve sur la diminution de sa foi, en raison de son grand péché, d'après Abu Huraira, qu'Allah le Très-Haut l'agré, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et par rapport à ce que j'avais dit par un homme déplaise à Abu Dar, je vous ai oublié de vous donner la référence de l'explication de Cheikh Mohamed l'Éthiopie, c'est volume 3, page 150 et suivante. Eh bien, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le fornicateur ne fornique pas en étant croyant. Et celui qui boit de l'alcool ne boit pas de l'alcool en étant croyant. Et le voleur ne vole pas en étant croyant. Et il ne prend pas quelque chose publiquement et de force avec prédominance en étant croyant. Voilà, yantahibu nuhbatan, et on avait expliqué que j'ai traduit ça de cette manière-là, conforme à l'explication de Cheikh Mohamed l'Éthiopie, volume 2, page 330. Rapporté ce hadith par le Bukhari muslim. Maintenant, qu'est-ce que les Khawarij ont dit, hein? Le fornicateur ne fornique pas en étant quoi? Croyant, mais ça veut dire quoi qu'il est? Un kafir, khalas. Eh bien, écoutez la réponse ici, la réfutation contre les Khawarij. Donc, lorsque la foi lui a été niée, parce qu'il y a une négation de la foi ici, c'est une indication que sa foi n'est pas complète. Et que l'on ne croit pas ici que la négation de sa foi est une négation de toute sa foi. Car les hadiths expliquent les uns les autres et se clarifient les uns les autres. Maintenant, si je vous dis, donne-moi un autre hadith qui explique celui-là. Hein, comment toi tu dis ça? Quel hadith tu peux déjà lui citer? Si vous ne savez pas répondre, c'est que vous ne suivez pas. Barakallahu fik, le hadith de Abu Dar qu'on vient de rapporter, qui est dans le Bukhari et... Hein, d'accord, il est clair le hadith. On comprend bien parce que là, on parle de grands péchés. Hein, et donc, on voit bien qu'il faut quoi? Et ça, c'est une chose que j'avais insisté, sur laquelle j'avais insisté la fois passée. J'avais dit qu'il fait partie des fondements des gens de la Sunna, c'est qu'ils regroupent les textes quand ils traitent un sujet. Ça, c'est très important. Donc, écoutez bien ce que le cheikh dit, comme les textes authentiques affirment que celui qui commet un grand péché est malgré cela incroyant, c'est une indication que la négation de la foi n'est qu'une négation de la complétion de la foi, obligatoire, et pas une négation de la base de la foi. Parce que qu'est-ce qui fait partir la base de la foi? C'est nawaqid l'islam, ou nawaqid l'iman, c'est les annulations de la foi. C'est pour ça que cheikh Abdel Razak al-Abbad al-Badr, il est précis dans son charh de nawaqid l'islam, il fait la différence entre un nawaqid, et un nawaqis, les diminutifs et les annulatifs. وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاث فرق ضالة وهي الخوارج والمعتزلة أهل الإفراط والمرجئة أهل التفريط. Donc maintenant, on a parlé de la position des gens de la Sunna, les gens de la vérité. Maintenant, il convient de s'attacher aux positions des groupes égarés. Et ces trois groupes égarés s'opposent sur ce point aux gens de la Sunna du consensus, et ce sont Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, qui sont tous deux les groupes extrémistes, et les Murji'a, qui sont les laxistes. On avait vu que toujours les gens de la Sunna sont au milieu, ou dans le juste milieu, par rapport au groupe extrémiste et par rapport au groupe laxiste. D'ailleurs, si un Khariji, un Tekfiri, te dit que tu es un Murji, et qu'un Murji te dit que tu es un Tekfiri, Alhamdulillah, sache que tu es sur la Sunna. Hein? D'accord? Et les gens de la Sunna sont au milieu des groupes, sur le juste milieu entre les groupes, comme l'islam est sur le juste milieu, hein, par rapport aux autres quoi? Aux autres religions, c'est ce que disent les ulama. Thaniyan, madhab le murji'a. Donc maintenant on va voir quoi en premier? Le madhab des murji'a. Qalu huwa mu'min kamil l'iman. Lam yanqus imanhu bikabiratihi shay'a. Wa hadha al-qawl zahir al-butlan. Li musamad ضمته عشرة النصوص من السنة والقرآن لمعارضته لإجماع السلف الصالح والسبب ضلالهم أنهم اعتقدوا أن الأعمال الصالحة ليست داخلة في حقيقة الإيمان بل قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان فقط ولذا فلا يزيد الإيمان عندهم بالطاعة كما أنه لا ينقص بالمعصية. Deuxièmement, après la position des gens de la Sunna du consensus, eh bien, c'est la voie des murji'a, qui vient du mot irja. Et l'irja, dans le jargon des ulama, c'est تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. C'est le fait de dire que les actions ne font pas partie de la foi. La voix des Murji'a. Ils ont dit qu'il est croyant d'une foi complète. On parle de qui? De celui qui a fait un grand péché sans le rendre licite. Ils ont dit quoi, eux? Eh bien que sa foi, elle est complète. Donc on voit qu'il transgresse déjà la voix des gens de la Sunna, parce qu'on ne dit pas ça. On dit que sa foi, elle est diminuée, mais qu'il est toujours croyant. Et que son grand péché ne diminue en rien sa foi, c'est ce qu'ils disent les Murji'a. Et la fausseté de cette parole est claire. Car elle entre en contradiction avec des dizaines de textes du Coran et de la Sunna, et car elle entre en contradiction avec le consensus des pieux prédécesseurs de la communauté. La raison de leur égarement, mais pourquoi ils sont égarés? Pourquoi ils disent cela? Eh bien, et qu'ils croient que les actions vertueuses ne font pas partie de la réalité de la foi. Mais de plus, ils ont dit que la foi n'est qu'une croyance du cœur et une parole de la langue. Et donc, pour eux, la foi n'augmente pas en raison d'actes d'obéissance, comme elle ne diminue pas en raison d'actes de désobéissance. Thalithan, troisième, c'est la voix des Khawarij. مذهب الخوارج قالوا هو كافر في الدنيا كفرا أكبر مخرجا له من الملة وإذا مات دون توبة كان في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله وضلوا بسبب إعراضهم عن فهم السلف الصالح لنصوص الوعيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث ففهم السلف أن النفي يتعلق بكمال الإيمان الواجب لا بأصل الإيمان كما تقدم بيانه آنفا. Troisièmement, la voix des Khawarij. Ils ont dit qu'il est mécréant dans ce bas monde de la grande mécréance qui le fait sortir de la religion. Et s'il meurt sans se repentir, il est alors dans l'au-delà parmi les gens de l'enfer. Et c'est de manière éternelle. Et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Ils se sont égarés car ils se sont détournés de la compréhension des pieux prédécesseurs en ce qui concerne les textes de menace. Comme la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'on vient de citer justement. Le fornicateur ne fornique pas lorsqu'il fornique en étant croyant. Jusqu'à la fin du hadith. Ils ne sont pas revenus à l'explication des salaf salih. Parce que c'est un texte de menace, ça. Parce qu'on avait dit qu'il y avait quoi? Nusus al-wa'd et nusus al-wa'id. Les textes de promesse et les textes de menace. Hein? Et si vous voyez que les gens de la sunna, ils prennent les deux. C'est-à-dire que Khawari, ils ont pris que les textes de menace. Hein? Et les textes de le Murji'a, ils ont pris que... Hein? C'est important de comprendre toujours ce juste milieu des gens de la sunna. La compréhension des pieux prédécesseurs est que la négation est liée à la complétion obligatoire de la foi et pas à la base de la foi, comme nous l'avons expliqué précédemment. Quatrième, madhab al-mu'tazila. Ja'alu murtakib al-kabirati fi dunya fi manzilatin bayna al-kufr wal-iman, fa'akhrajuhu min al-iman lakinnahu lam yudkhiluhu fi al-kufr. Wa amma fi al-akhirati fahuwa fi an-nar khalidan mukhalladan fiha, fawafaqa al-khawarij fi hadha. والله عز وجل إنما قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما فقال والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سورة التغابن. Quatrièmement, la voix des Mu'tazila qui donne à celui qui commet un grand péché un degré dans ce bas monde entre la mécréance et la foi. Dans ce bas monde, ils disent qu'il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Ils l'ont donc fait sortir de la foi, mais ils ne l'ont pas fait rentrer dans la mécréance. Ce que les ulama disent, ils lui ont donné une manzila bayna al-manzilatayn, un degré entre les deux degrés. C'est-à-dire, il n'est ni croyant ni kafir. Ils sont donc en conflit. Et quant à l'au-delà, il est selon eux, celui qui commet un grand péché, en enfer éternellement. Donc ils ont été conformes à qui par rapport à ça? Hein? Au khawarij. Ils sont donc en conformité avec les khawarij en cela. Alors qu'Allah n'a divisé les gens qu'en deux catégories, sans y avoir une troisième catégorie. En disant ce dont la traduction du sens est, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a le mécréant et le croyant. Surat al-Taghabun, verset 2. Wa fi zamanina al-yawm dhahara man yukaffiru bi ba'd al-kaba'ir kama yukaffiru man yadhkuru fawahishahu fi sharit wa kama yukaffiru alladhina yata'amaluna ma'a al-bunuk bil-qurud ar-ribawiyyah wa kama yukaffiru ashab al-fanadiq allati tabi'u al-khumur wa kama yukaffiru ad-dawla al-muslimata idha kana fiha bunuk ribawiyyah wa kama yaqulu in a'dham ma'siyatin hurib Allahu biha fi ardihi ترويج المخدرات وغير ذلك مما يطول تعقبه فهذا تكفير بفعل بعض الكبائر وليس باستحلالها وربما يصل الحال بأصحابها مستقبلا إلى التكفير بالكبيرة مطلقة كالخوارج والعياذ بالله. Maintenant, Cheikh, il va lier ça à des choses qui se disent à notre époque. Il dit, et de nos jours sont apparus des gens qui juge mécréant en fonction de certains grands péchés commis, comme ceux qui jugent mécréant celui qui relate ses péchés dans une cassette. C'est-à-dire qu'ils disent quoi? Celui qui rapporte ses péchés dans une cassette, c'est quoi? C'est un kafir. Et ceux qui jugent mécréants, ceux qui ont des transactions avec les banques en contractant des prêts usuraires. Et ceux qui jugent mécréants, ceux qui possèdent des hôtels où de l'alcool est vendu. Hein, vous entendez ça des fois? Comment ça, c'est des musulmans? Subhanallah, il y a des hôtels là-bas, et, hein, ils vendent de l'alcool, etc. Et comme ceux qui jugent mécréants l'État musulman si des banques usuraires s'y trouvent. Et comme ceux qui disent le pire des péchés par, écoutez bien ça, hein, le pire des péchés par lequel Allah a été combattu sur terre est la distribution de drogue. Vous êtes d'accord avec cette parole? C'est quoi le plus grave des péchés? Vous avez vu, hein, comment les ulama comprennent? Attention à cette parole ici. Et d'autres paroles qui sont trop nombreuses que pour être poursuivies. Cela est donc des jugés mécréants en raison de certains grands péchés commis, et pas en raison de les avoir jugés licites, et il se peut que cela va aller même pour certains de ceux-là dans le futur, jusqu'à juger mécréants en raison d'un grand péché commis de manière absolue, comme les Khawarij l'ont fait. Et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Puis le cheikh, il va clôturer, moi je voudrais rajouter un point par rapport à ça. Vous avez quelqu'un, par exemple, Abu Ishaq al-Hawaini. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, hein, c'est quelqu'un qui est très suivi en Égypte, etc., par les Hizbiyoun, hein, pas par les Salafis. Hein, et il y a d'ailleurs une réfutation qui a été faite par Cheikh Khalid Abou Abla'ala en plus de 900 pages. Hein, elle a été préfacée par Cheikh Falah Ismail, il y a des annotations du Cheikh aussi, Cheikh Hassan Benna qui a fait des annotations aussi, Cheikh Mohamed Bezmoul, Cheikh Mohamed Mouhiddin, Cheikh Aoubel Jabiri, et peut-être d'autres que j'oublie. Hein, mais au moins ceux-là, et ça, c'est un d'entre eux est largement suffisant. Alhamdulillah. Hein? Cheikh Khalid Abou Abla'ala, qui est un esclave de Cheikh Rabi'a, qui est un cheikh qu'on connaît, alhamdulillah, qui est salafi, qui est actuellement au Caire. Hein? D'ailleurs, Abou Hakim, je ne sais pas si vous avez vu dans le Twitter, et, hein, il a dit que Cheikh Khalid Abou Abla'ala, Cheikh Ahmed Bezmoul et d'autres mashaykhs, ils étaient assis tous ensemble chez Cheikh Rabi'a. D'accord? Et que Cheikh Hassan Benna lui a dit du bien notre merkez. Et que Cheikh Khalid Abou Abla'ala lui avait dit que peut-être il allait venir nous visiter, etc. Hein? D'ailleurs, il y avait Cheikh Demari aussi, il y avait Cheikh Abdelaziz Bouraï, hein? Il y avait d'autres mashaykhs. Hein? Ni'mal jalsa. Ala kulli hal, eh bien Abu Ishaq al-Hawaini, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il parle de al-musir al-kabira. Hein, c'est lui qui fait quoi, une kabira de manière continue, eh bien c'est quoi? C'est un kafir. Ça, c'est contraire à l'aqida des gens de la sunna du consensus. Non, on parle du fondement de la sunna ici, hein. Donc vous voyez que les ulama, ils réfutent le cheikh Khalid Abou Abla'ala, jazallahu khairan, il a mis les sources où il a dit ça, et quand il a dit ça, il a réfuté avec les paroles des salaf en long et en large. Plus de nombreuses erreurs, comme je l'ai dit, il y a plus de 900 pages. Et en passant, il traite le dossier d'autres personnes comme Mohamed Hassan et, hein, et d'autres personnes, etc. Comme Sayyid Qutb, etc. et Mohamed Sourour, etc. On revient à la parole de Cheikh Ali al-Haddadi, hafidhahullah ta'ala. Il dit « وقبل أن أختم كلمتي هذا أشير إلى مسألتين. الأولى وجوب الحذر من المعاصي كلها ولا سيما الكبائر. فإنها موبقات مهلكات. وكثير ممن يموت عليها دون توبة يعذبه الله عز وجل في قبره وبعد بعثه نسأل الله السلامة والعافية. ومن ابتلي بشيء منها فالله الله في البدار إلى التوبة قبل حلول الآجال والختم على الأعمال. Et avant de conclure mon propos, je voudrais attirer l'attention sur deux points. Le premier, l'obligation d'être sur ses gardes quant à tous les péchés et sur tous les grands péchés, car ils vouent à la perdition et à périr. Et beaucoup de ceux qui meurent sans s'en repentir sont châtiés par Allah le Très-Haut dans leur tombe et après leur résurrection, et nous demandons à Allah la préservation de la sécurité. Et que ceux qui ont été éprouvés par des péchés, qu'ils craignent Allah et se précipitent à se repentir avant que les temps de vie n'arrivent à leur fin et que les actions ne soient scellées. Deuxième point, Athania, istihlal al-dhanb ma'nahu i'tiqad kawnihi halala, fa huwa 'amalun ghaibi, la yattali 'alayhi illa لو لا يطلع عليه إلا بلسان صاحبه فإن صرح بالاستحلال تبين وإلا فلا ولو كان مجرد الفعل استحلالا لكفر كل مرتكب كبيرة وهذا واضح والحمد لله نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يوفقنا ويفقهنا فيها وأن يعيدنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدي ضال المسلمين وأن يسلك بنا وبهم صراط المستقيم إنه جواد كريم et puis il fait la conclusion Cheikh Ali al-Haddadi. Le deuxième point sur lequel le cheikh va attirer notre attention avant de conclure, eh bien c'est le fait de juger un péché comme étant licite, c'est de croire qu'il est licite. Et c'est donc une chose du domaine de l'invisible, que l'on ne peut savoir que si la personne elle-même le dit de sa langue. Et donc si elle le dit de manière explicite, que c'est licite, c'est alors mis en évidence. Si ce n'est pas le cas, alors non. Parce qu'il y en a certains qui disent « Oh, mais là, il l'a fait, donc ça veut dire qu'il le rend licite. » Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Et regardez ce que va dire le Cheikh, écoutez ce que va dire le Cheikh ici. Et si le simple fait de commettre ce péché était de le juger illicite, alors toute personne qui aurait commis un grand péché serait mécréante. Et cela est clair et toutes les louanges reviennent à Allah. Et puis le Cheikh, il dit, nous demandons à Allah qu'il nous affermisse sur la sunna et qu'il fasse que nous en ayons la science et qu'il nous préserve des égarements, des épreuves, ce qui en est apparent, ce qui en est caché, et qu'il guide ceux qui sont égarés par les musulmans et qu'il nous fasse prendre ainsi qu'à eux son droit chemin. Il est certes très généreux, il est donateur très généreux, et que les prières d'Allah et ses salutations et ses bénédictions soient sur son serviteur et son messager, Muhammad, ainsi que sur ses proches et sur ses compagnons. Et c'est signé Ali ibn Yahya al-Haddadi, et c'est tiré de son site haddadi.com avec deux D, hein, et un Y à la fin. Ben maintenant, on revient à l'explication de Sharh Sunnah de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, pardon, de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. On est arrivé au chapitre qui dit Shar'iyatu iqamati al-hudud. Wa rajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idha a'tarafa aw qamat alayhi bayyinah faqad rajama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad rajamat al-a'immatu al-rashidun. Nouveau chapitre, la législation de l'application des peines légales. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il dit, et, encore une fois, c'est-à-dire quoi? Et fait partie des fondements des gens de la sunna, hein, parce qu'on avait dit que c'était une coordination sur ce qui était précédemment, et les fondements de la sunna sont chez nous, les gens de la sunna, puis les cite un par un, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-ci. Et la lapidation de celui qui a forniqué alors qu'il est muhsan. On va parler plus en détail plus tard de ce que ça veut dire muhsan, avec un sad, hein. Eh bien, est une vérité. S'il l'admet ou que la preuve ait été établie contre lui. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes lapidé et les imams bien guidés ont certes lapidé. Explication de Cheikh Rabi' maintenant, hafidahullah ta'ala, de ce chapitre. Il dit, وَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَى إِذَا اَعْتَرَفَ أَوْ قَمَتْ عَلِهِ بَيِّنَى فَهَذَا حَدُّ الزَّانِي هُوَ الرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ وَالْجُهَنِيَّةَ وَرَجَمَ الْيَهُودِيَّينَ الذين زنيا رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il répète la parole de l'imam Ahmed, il dit, et la lapidation de celui qui a forniqué alors qu'il est muhsan est une vérité s'il l'admet ou si la preuve est établie contre lui. Et on va voir c'est quoi la preuve, inshallah. Ceci est la peine pour le fornicateur qui est la lapidation. Hein, et attention ici, évidemment, comme on l'a dit, ce genre de peines sont appliquées dans un pays musulman par le gouverneur musulman. Hein, ce n'est pas n'importe qui va aller commencer à appliquer ce genre de peine, hein, et à se proclamer lui-même juge. Ceci est la peine pour le fornicateur qui est la lapidation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes lapidé Al-Ghamidiyya et Ma'iz et Al-Juhaniyya. Après, je vais vous rapporter dans un des bénéfices que j'ai pris de Cheikh Al-Fawzan et d'autres mashayikhs que certains mashayikhs disent que Al-Ghamidiyya c'est Al-Juhaniyya. D'accord ? On va voir pourquoi, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une des tribus, hein, de Juhayna, etc. Et certains disent que c'est... Surtout ils disent que les textes sont très très proches, sont très similaires par rapport à la Qissa al-Ghamidiyya, que je vais vous rapporter, Inch'Allah, et de Juhayniya. Et de Ma'iz, on va voir c'est qui Ma'iz, Inch'Allah. Et il a lapidé les deux juifs qui ont tous deux commis la fornication. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a donc lapidés tous deux, c'est-à-dire les deux juifs, un homme et une femme. وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن من الأحكام التي وافقت فيه وأقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجم وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن نزلت آية ونسخ لفظها وبقي حكمها. C'est exactement ce que dit Cheikh Al-Fawzan aussi dans بلوغ المرام, dans son explication de بلوغ المرام. وحدث بذلك عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وأرضاه. Si je me souviens bien, le hadith il est dans de عمر بن الخطاب, il est dans Bukhari wa Muslim. قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يأتي قائل ويقول إننا لا نجد الرجم في القرآن فيضل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن ثم قال وحد الزاني رجلا أو امرأة الرجم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الحبل الرجل يرجم بالبينة بالشهود هم الأربعة فإذا كانوا ثلاثة شهدوا عليه يقام عليهم حد القذف فلا بد أن يتوفر أربعة وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه المرأة ورأوا الميلة في المكحلة. رأوا ذكره في فرجها صراحة. لا تقبل منهم الشهادة إلا إذا كانوا أربعة، وإذا كانوا عن مشاهدة يقينية مستيقنة رأوها بأعينهم. هذا صيانة للدماء وصيانة للأعراض. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون الكاذبون. سورة النور. Après on va continuer inchallah, on va déjà traduire ce passage là. Cheikh il dit, et ceci est la loi d'Allah dans la Torah. Et on va le prouver plus tard, inshallah. Et dans la Bible, et dans le Coran. Parmi les jugements qui ont été approuvés, confirmés par la législation islamique, il y a le jugement de lapidation. Et c'est légiféré dans la Torah, et dans la Bible, et dans le Coran. Un verset a été révélé à ce sujet, et sa formulation a été abrogée, mais son jugement est resté. Vous voudrez bien savoir c'est quoi ce verset ? Hein ? Le verset commence par « Wachir, Wachirhatu » Itzanaya Fajliduhum Farjumuhum Albatta Nakala minallahu Allahu Azizun Hakim. Je vais voir si je me suis trompé après parce que je voulais noter et j'ai voulu vous le rapporter. D'accord. Donc la formulation de ce verset, elle a été quoi? Abrogée. Mais le hukm, il est resté. C'est exactement ce que dit Cheikh Al-Fawzan dans son explication de Bourlo Maram aussi. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, a rapporté cela en disant « Allah a certes envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité et lui a révélé le livre, le Coran. Et parmi les choses qui lui ont été révélées, le verset sur la lapidation. Nous l'avons lu et nous l'avons mémorisé et nous l'avons compris et nous l'avons accepté et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé et nous avons lapidé après lui. » Je crains que quelqu'un ne vienne et dise « Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Coran » et que donc il s'égare en délaissant l'une des obligations prescrites par Allah qui ont été révélées dans le Coran. Hein? Ça veut dire rappeler une parole de qui? De Tariq Ramadan, ça. Hein? Qui dit quoi? Oui, on doit faire un moratoire. Subhanallah, c'est l'législation d'Allah, subhanallah ta'ala, tu veux faire un moratoire, toi. Hein? Sachant que bien sûr, encore une fois, hein, on a dit que quoi? Que c'est appliqué par un gouverneur musulman dans un pays musulman, bien sûr. Hein? Voilà, que ça fait partie de notre religion. Et Cheikh, il dit, puis il dit, c'est-à-dire qu'il y a Omar ibn al-Khattab, et la peine pour le fornicateur, qu'il soit un homme ou une femme, est la lapidation, si elle reconnaissance des faits ou une preuve établie, ou s'il y a une grossesse. C'est-à-dire si la femme est enceinte. L'homme est lapidé s'il y a une preuve. C'est quoi cette preuve? Les témoins. Et ils doivent être au nombre de 4. Et s'ils ne sont que 3 à avoir témoigné contre lui, écoutez bien ça. Regardez Sharia, comme elle préserve l'honneur des gens hein, et le sang des gens. Contrairement à ce que les koufars essaient de donner comme image de la Sharia, quelque chose de barbare. Subhanallah, la religion d'Allah va être barbare. Alors qu'Allah Azul a dit « Yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati » Le dars, on aurait pu faire un très long dars. Cheikh Al-Fawzan, je vous recommande vivement de retourner à son explication de Bourlo Maram, parce qu'il en parle en long, en large. Il parle de la hikma de ça, il parle des droits des gens, etc. Hein? Il rapporte même que quand le Ramidi a été lapidé, elle n'a pas été lapidée directement. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. Et que justement, l'islam, il est venu pour préserver le droit de tout le monde. Qu'est-ce que le fœtus, qu'est-ce que le bébé, il a à voir avec tout cela? Hein? Et que certains ulama ils disent on dit que Cheikh Al-Fawzan il a dit que c'est même c'est pas directement après l'accouchement, ça peut être aussi après quoi? L'allaitement. Hein? Et après on vient nous faire passer l'islam pour une religion barbare. Subhanallah. Et d'ailleurs dans le hadith il a appelé son tuteur et il a dit au prophète Hassan qu'on va le voir dans un instant inchallah, il lui a dit quoi? Ahsin ilayha. Il a appelé le tuteur de Ramidi parce que c'est elle qui est venue chez le prophète pour dire qu'elle avait fait zina. C'est elle qui a demandé la peine légale. Et il a appelé son tuteur, il lui a dit « Ahsin ilayha ». Prends soin d'elle. Et quand elle accouche, ramène-la moi. Quand elle est islam, « Ahsin ilayha ». Alors qu'elle a commis zina. On va voir, Inch'Allah, parce que j'ai voulu, parce qu'on parle de Ramidia, et qu'on vient de savoir, hein, c'est quoi l'histoire de Ramidia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, Inch'Allah? On va rapporter les différentes personnes qui ont été lapidées au temps du professeur. Non, on va rapporter leur histoire un par un, Inch'Allah. Ou une par une. Donc, on a dit quoi? Ici, que il faut absolument qu'ils soient au nombre de quatre, et s'ils ne sont que trois à avoir témoigné contre lui, la peine prescrite pour la fausse accusation leur est alors appliquée. En arabe, on appelle ça dans le dîn, on appelle ça al-qadf. Et on va voir, Inch'Allah, en détail, j'ai traduit toute une fatwa de Cheikh Farkous à ce niveau-là, qui explique c'est quoi le qadf. Hein? Et le qadf, ça vient du mot arabe, c'est comme al-rami, c'est le fait de jeter, c'est-à-dire que c'est comme si jeter une accusation sur quelqu'un. Le qadf, il a un had en islam aussi, une peine légale. Donc faire attention à nos paroles quand on accuse quelqu'un, et on va voir qu'on peut le faire juste par allusion. Comme par exemple, si tu dis maintenant, moi je ne suis pas un zani, et moi, ma mère, ce n'est pas un zani. Hein? Ça, c'est une accusation, c'est un qadf, ça. Hein? Faire attention à ce qu'on dit, quoi. On va le voir dans un instant, et on va voir c'est quoi l'appel légal pour le qadf. Et que le maqdouf, c'est celui qui est quoi? Qui est accusé de manière fausse. Et que le maqdouf bihi, c'est ce dont il est accusé. D'accord? Et c'est pour ça que les frères, peut-être des frères vont dire, mais subhanallah, hein? Ou des sœurs qui vont dire, ils sont trois, ils l'ont vu, ils sont véridiques dans ce qu'ils ont dit, hein? Dans ce qu'ils ont dit, et quoi, ils sont considérés comme des menteurs. Il n'y a pas de raison ici, c'est le shara. Quatre. S'ils ne sont pas quatre, l'appel légal, le qadf, elle leur est appliqué. Quatre. Absolument quatre. Et on va voir c'est quoi les autres conditions. Ils doivent donc être quatre. Et ils doivent avoir vu que cet homme a eu des rapports sexuels. Ici, on va parler des choses comme elles sont. C'est notre dîn, on n'a rien à cacher, alhamdoulilah. Hein, avec la femme. Et qu'ils aient vu, regardez l'expression en arabe, « El-mail fil mukhala ». C'est-à-dire quoi? Qu'ils aient vu l'aiguille à appliquer le kohol. Vous voyez une aiguille qu'on appelle le kohol. Entrer dans la boîte qui contient le kohol. C'est une image pourquoi? Pour... Annie la pénétration. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient vu ça. Et on va voir plus tard dans un hadith que le prophète Hassan, quand quelqu'un est venu chez lui, il lui pose des questions. Ça fait partie de la sunna pour le gouverneur de poser des questions pour savoir ce que soit établi de manière explicite, qu'il n'y ait pas d'ihtimal, qu'il n'y ait pas de choubha. Il lui a dit, peut-être que tu l'as embrassé? Il a dit non. Peut-être que tu lui as fait un clin d'œil? Il a dit non. Et le prophète Hassan, il a dit, alors, peut-être que tu l'as regardé? Il a dit non. Tout ça pourquoi? Pour que le zinal soit bien quoi? Établi. On va voir tout ça dans un instant, Inch'Allah. Donc, écoutez bien, c'est la parole du Cheikh ici, c'est pas la mienne. Il dit, ils ont vu clairement son pénis dans le sexe de la femme. Ça doit être établi par combien de témoins? Quatre. Ce témoignage n'est accepté d'eux que s'ils sont au nombre de quatre et qu'ils aient vu de leurs yeux d'une vision, quoi? Sûre et certaine. D'accord? Et ceci en protection du sang des gens et en protection de leur honneur. C'est pas tu viens, tu commences à dire, oui, non, je crois, j'ai vu, là. Non, c'est pas un jeu, ça. C'est pour ça que nous, quoi, ça nous donne déjà une éducation de quoi? De pas parler facilement, de pas accuser les gens facilement. L'islam est venu pour préserver, la religion, l'honneur, le sang, les liens de parenté, etc. D'accord? Et il cite un verset du Coran dans la traduction du sens S, s'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Surat Nour, verset 13. Ou qu'ils admettent, comme l'a dit le Cheikh ici, comme Al-Ghamidiya a admis. Ou ya'tarifa kama a'tarafa Ma'iz. Ou Al-Ghamidiya. On va voir c'est qui Ma'iz, Inch'Allah. On va voir c'est qui Al-Ghamidiya, Inch'Allah. Ou yadharu al-habalu ou min al-mar'a. فإذا ظهر الحبل فهو خير شاهد فالشاهد لا يرجم إلا ببينة إما أربعة شهود كما ذكرنا لكم وإما أن يعترف الزاني نفسه رجلا أو امرأة وإما أن يظهر الحبل في المرأة فهذا حد الزاني المحصن. من أين يفنيخ سيكون محصن؟ المحصن هو الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح. فهذه هي الشروط: أن يكون عاقلا غير مجنون، ويكون بالغا غير صبي، ويكون حرا غير عبد. C'est-à-dire qu'il y a des شروط et des quoi? Des شروط et des موانع. J'avais dit ça par rapport à Tekfir, vous rappelez? Et que ça revient dans l'ahkam sharaïa, ce qui fait face à un شرط, c'est quoi? Un مانع. C'est-à-dire qu'il y a une condition qui doit être là, mais il y a un مانع qui doit être retiré, qui d'être enlevé, qui d'être pas présent. إذا كان عبدا أو أمه لو كان تزوج زواجا شرعيا فإن أحدهما نصف حد الحر وهو الجلد يعني 50. الرجم لا يتنصف لأن حد الحر غير المحصن ذكرا أو أنثى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سورة النور فيرس 2. فحد الرقيق على النصف من حد الحر 50 جلدة. عليكم السلام. ولا رجم على الرقيق ولو تزوج زواجا شرعيا وبعقد صحيح ليس عليه إلا نصف الحد الحر وهو 50 جلدة. قال فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. مر الكلام على هاتين الفقرتين. Donc ici on termine ce chapitre de Sunna de l'imam Ahmed inshallah et après on va rapporter des bénéfices comme je vous ai dit par rapport à tout ça inshallah. Avec la parole du Cheikh Rabi', il dit, Hafidahullah Ta'ala, ou qu'il admette, donc on a dit qu'il faut quoi qu'il y ait ? Combien de témoins ? 4. Qu'ils aient vu quoi ? Yani de manière claire et certaine et sûre. Hein? D'accord ? Ou qu'il admette, comme le Ghamidiyya a admis, ou comme Ma'iz a admis, ou que la grossesse apparaît chez la femme. Si la grossesse apparaît, c'est alors la meilleure preuve. En résumé, il n'est lapidé que suite à une preuve, soit 4 témoins, comme nous l'avons dit, soit que le fornicateur reconnaisse lui-même les faits, et ce que cela soit un homme ou une femme. Hmm? D'ailleurs, dans la presse, on entend souvent parler que quoi ? Hein, que des femmes. Hein? Ou que la grossesse apparaisse chez la femme. C'est donc cela la peine du fornicateur qui est muhsan. Alors maintenant, il convient de définir c'est quoi ? Muhsan. Et un peu plus loin, je vais vous rapporter qu'il y a 5 sens pour le mot Ihsan. Et que Cheikh l'Éthiopie, comme son habitude, il les a mis en poème, pour ceux qui veulent le mémoriser. Hein? Et pour ceux qui veulent chaque dalil, hein? Un dalil pour chaque type d'Ihsan, qui retourne à l'explication de Sahih Muslim de Cheikh l'Éthiopie. Si on va faire un cours de 2 heures, ce sera trop long. Et le but, c'est juste de vous donner une indication. Après, c'est pour susciter l'intérêt, Inch'Allah. Et le talib, comme je dis toujours, c'est comme ça qu'il se construit. Et bien, c'est qu'il se base sur ce qu'on a vu et qu'il continue ses recherches et qu'il lise dans le domaine. Vous avez un chapitre complet qui s'appelle Kitab al-Hudud dans Bulugh al-Maram, expliqué par Abdel Bessam, Rahimahullah, par Cheikh al-Fawzan, Hafidahullah. Hein? Vous pouvez aller retourner dans l'explication de Sana'ani de Bulugh al-Maram qui s'appelle comment ? Subul Salam. C'est donc cela la peine du fornicateur qui est muhsan. Al-muhsan, c'est l'homme qui s'est marié avec une femme d'un mariage valide. Bi'aqdin sahih, et qui a eu des rapports sexuels avec elle pendant ce mariage. Voilà donc les conditions. Qu'il soit saint d'esprit et pas fou, et qu'il soit pubère et pas un enfant, et qu'il soit libre et pas un esclave. Si c'est un ou une esclave, et même s'il est marié ou elle est mariée d'un mariage légiféré, leur peine est la moitié de la peine de celui qui est libre, et c'est la flagellation. 50 coups de fouet. Alors vous allez dire, peut-être ils vont dire, ouais, mais la moitié de la peine, on a dit que c'est la lapidation. Comment est-ce qu'on peut faire la moitié de la lapidation ? Mais cher, il répond à ça, il dit, hein, on ne peut pas diviser la lapidation en deux. Et la peine de celui qui est libre, mais n'est pas muhsan, que ce soit un homme ou une femme, c'est ce que dit la parole d'Allah dans la traduction du sens est, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les, hein, chacun, de 100 coups de fouet. Et ne soyez pas point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Surat Nour verset 2. Donc c'est combien ici la sentence ? Combien de coups de fouet ? 100. Pour l'homme et la femme qui sont quoi ? Ils sont pas ? Ils sont pas muhsan. Attention, hein ? C'est pas marié si je dis muhsan. C'est pas la même chose. Qui c'est pas muhsan. D'accord ? Et alors ça devient de quoi ? La peine légale de celui qui n'est pas libre et donc de quoi ? De 50 coups de fouet. Qui est la moitié de la peine de celui qui est libre et qui n'est pas muhsan, parce que sinon, qu'est-ce qu'on lui fait le muhsan ? C'est le rajm. Il n'y a pas de lapidation de celui qui n'est pas libre, et ce même s'il est marié d'un mariage légiféré valide. Il n'a que la moitié de la peine de celui qui est libre et qui est de 50 coups de fouet. Hein ? Alors, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, Marie, hein, ou bien peut-être de nos musulmans vont dire, mais vous parlez d'esclavage, hein, c'est comme. Hein ? encore une fois, hein, c'est un mot que j'ai lancé comme ça parce qu'il est dans le cours, mais on pourrait, Cheikh Falah Ismail, dans cette mosquée, il a réfuté les ambiguïtés par rapport à ça. Il a montré la rahma de l'islam par rapport à ça. Et comme l'islam, il est venu codifier tout cela. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes lapidé, c'est-à-dire qui il dit? L'imam? L'imam Ahmed. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes lapidé, et les imams bien guidés ont certes lapidé. Nous avons déjà parlé de ces deux points. Alors, quelques bénéfices maintenant liés au cours qui ne sont pas dans le livre et que moi je vous ai rapportés. Évidemment, des paroles des savants. Premier bénéfice. Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam al-Ethiopie a cité 5 types de ihsan. D'où le mot quoi? Muhsan. Il les a compilés dans 2 vers de poésie. Il dit, « Qad warad al-ihsan fi shar'i ala khamsati aqsamin rawaha al-nubala. Iffatun al-nikah wal-islam hurriyatun tezwiju man turamu. » Donc c'est quoi? Iffa, al-nikah, al-islam, hurriyat, tezwiju man turamu. Voir son explication de l'authentique de Muslim, volume 3, page 48 et précédente. Donc ça, c'est le mot ihsan, hein, que vous retrouvez d'ailleurs dans... Dans quoi? Hein? Oui, mais dans quel livre? Dans le Coran. Hein? Dans le Coran. Il a des sens, et c'est ça qu'il est en train de dire sur l'Éthiopie ici. Deuxième bénéfice. Que le verset sur la lapidation du fornicateur, dont la formulation a été abrogée, mais dont le jugement est resté comme, dit Cheikh Al-Fawzan dans son explication de Bulugh al-Maram, volume 5, page 233, « On va voir si j'ai bien dit tout à l'heure le verset ou pas, qui a été abrogé. « والشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. » Troisième bénéfice. On a parlé de différentes personnes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé. Al-Ghamidiyya, Al-Juhayniyya, les deux juifs et Ma'iz. Maintenant, l'histoire de l'Ghamidiyya, ou si vous voulez, qui elle? Juhayniyya. D'après Imran ibn al-Hussein, qu'Allah l'agrée qu'une femme de Juhayna. Vous avez compris maintenant pourquoi certains disent que quoi? Hein? Juhayniyya, c'est la même que l'Ghamidiyya. Est venue chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle était enceinte, après avoir forniqué. Elle dit alors, ô prophète d'Allah, regardez l'Iman, hein? Regardez l'Iman, regardez le taqwa. Ô prophète d'Allah, j'ai fait quelque chose qui mérite une peine légale. Applique-la donc sur moi. Le messager d'Allah appela alors son tuteur légal et lui dit, prends soin d'elle, ahsin ilayha, et lorsqu'elle accouche, amène-la moi. Il le fit et il ordonna qu'elle soit lapidée. Elle a alors resserré ses vêtements sur elle. Regardez, encore une fois, regardez, l'haya. Hein? Elle a fait quoi? Elle a resserré ses vêtements sur elle pour que quand elle soit lapidée, on ne voit pas sa aura. Allahu Akbar. Et c'est pour ça que certains ulama ils disent que hein, la femme quand elle est lapidée assise. Ou qu'on lui creuse quelque chose, contrairement à l'homme qui est lapidé debout. Et tout ça c'est quoi? C'est des ahkam qui nous empêchent de tomber dans al-haram. Quand on entend ça, il y a un bénéfice là-dedans, c'est quoi? C'est d'éviter de tomber dans al-haram, parce que c'est des choses graves en islam. Elle a resserré ses vêtements sur elle. Puis elle ordonna il ordonna à alayhi salatu wasalam qu'elle soit lapidée et elle fut lapidée. Puis il pria la prière mortuaire sur elle, alayhi salatu wasalam. Il fut lui-même, le prophète lui-même, il pria la salat al-janaza sur elle. Omar dit alors, radiallahu anhu, pries-tu sur elle au prophète d'Allah alors qu'elle a forniqué? Il répondit alors, sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est certes repentie d'un repentir qui, s'il était partagé entre 70 personnes parmi les gens de Médine, cela les aurait englobés. Et trouves-tu meilleur que le fait qu'elle vienne et offre sa personne à Allah? Le Très-Haut, rapporté par Muslim, numéro 1696. Cheikh Al-Fawzan, il dit dans son explication de Bulugh al-Maram, volume 5, page 240, il y a dans ce hadith qu'une femme de Juhayna, elle est appelée Al-Ghamidiyya de la tribu de Ghamid, qui est une fratrie de Juhayna. C'est-à-dire que Ghamid, c'est une quoi? Une partie de Juhayna. Donc c'est pour ça que les ulama ont dit qu'en fait, Al-Ghamidiyya, c'est qui? Al-Juhayniyya. Et ça, c'est qu'un bénéfice. Cheikh Al-Fawzan a fait toute une explication, il a rapporté beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Il y a d'être une autre histoire dans Bulugh al-Maram aussi, de quelqu'un qui s'appelle Ar-Ruwayjil, c'est-à-dire le petit homme. C'est un tasrir. Pourquoi? Pour quelqu'un qui était en fait appelé comme ça, parce qu'il était très faible physiquement, est très faible de corpulence, est très faible à tel point hein, que les gens, on aurait dit qu'il n'a pas de shahwa. Et il a fait zina avec une servante. Et les ulama, ils disent que quoi, que c'est un dalil, que quoi, que même la personne qui est faible de corps, etc., hein, est faible de corpulence, est faible de corps, etc., elle peut tomber, elle a une shahwa, elle peut tomber dans le haram s'il y a la mixité. Et si vous voulez voir, hein, soyez curieux, allez voir que le châtiment, il était adapté à sa corpulence. Pourquoi? Parce que son corps ne pouvait pas supporter son coup de fouet. Hein? Encore une fois, je dis ça juste pour vous motiver, mais si on devait tout rapporter, on aurait fait un cours peut-être de 2 ou 3 heures. Maïs maintenant. Maïs, il a été lapidé par qui? Si vous ne savez pas, vous ne suivez pas le cours. Hein? Pas? Tu veux dire quelque chose? Vas-y, dis. Vas-y, vas-y. Non? Mais c'est qui a donné l'ordre? On va voir le hadith, écoute. Ma'iz ibn Malik. Ibn Abbas, quand ils agréent tous deux, il a dit, lorsque Ma'iz ibn Malik vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, peut-être que tu as embrassé, la'allaka qabbalta, ou fait un clin d'œil, ou ramazta, ou que tu as regardé, ou nadarta. Il dit non au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari. Et quand je dis qu'il a été lapidé par le prophète, c'est parce que Charles Fozan, il l'a dit, en fait, c'est pour ça que je l'ai dit. Charles Fozan dit dans son explication de Bulugh al-Maram, volume 5, page 236, ce hadith indique qu'il faut vérifier ce qui s'est passé et qu'il est autorisé au gouverneur de faire ce qu'on appelle talqin, de suggérer à celui qui admet la fornication ce qui pourrait empêcher que l'appel légal lui soit appliqué. Et ce, en raison de sa parole, peut-être l'as-tu embrassé, ou fait un clin d'œil, ou as-tu regardé. Et le hadith indique qu'il faut absolument dire de manière explicite que quoi qu'il y a eu, fornication, par une parole explicite qui ne peut pas être comprise autrement. Je vous donne la référence, Cheikh Al-Fawzan, Bulugh al-Maram, volume 5, page 243. Et c'est-à-dire ce que Cheikh Rabi'a aussi l'a dit, que c'est le prophète Sassam qui l'a fait. Les deux juifs maintenant, l'histoire, c'est la troisième histoire maintenant, l'histoire de ce qu'on appelle Al-Yahoudiyyin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé un homme et une femme, juifs, qui avaient commis la fornication, et ce, car ils avaient commis la fornication, et les juifs les ont pris et l'affaire posait problème aux juifs. Car ils ne voulaient pas leur appliquer la peine légale en les lapidant, et ils dirent alors, allons voir Mohammed. Ils voulaient par cela se débarrasser de ce crime et de cette affaire, et qu'ils laissent l'affaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour s'en débarrasser, non pas car ils croyaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'affaire leur posait problème. S'ils les lapidaient, ceci n'était pas supportable chez eux, et s'ils ne le faisaient pas, ils auraient alors délaissé une peine légale. Ils dirent alors, allons voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vint voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur posa la question suivante. Que trouvez-vous dans la Torah au sujet de celui qui fornique? Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils répondirent, nous lui noircissons le visage, puis le plaçons sur un âne et le faisons tourner, et on le fouette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors une copie de la Torah. Et ils l'amenèrent. Abdullah ibn Surya plaça alors sa main sur le verset de la lapidation et le cacha. D'accord? Et il lut ce qu'il y avait avant le verset et après le verset. Mais qui était là? Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu arda, qui faisait partie des érudits juifs avant de se convertir à l'islam. Il dit alors, lève ta main. Il leva alors sa main et le verset sur la lapidation apparut dans la Torah apparut alors. Et Allah montra par cela le ruse et les exposa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna alors l'ordre et ils furent tous deux lapidés. Et voir le Musnad de l'imam Ahmed, 4498, et Al-Bukhari, 6841, et Muslim, 1699. Merci, vous retournez. Au laf de Cheikh Rabi', il dit ici, Cheikh Rabi', وقد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعزة والجهنية ورجم اليهوديين اللذين زنايا رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est ce que moi j'ai lu dans Charles Fozan aussi dans le Bulugh al-Maram. À la coulée, on peut regarder, c'est pas un problème. Maintenant, j'ai voulu vous rapporter un autre bénéfice, c'est le qadf. D'accord? C'est quoi le qadf? Parce qu'on a parlé du qadf. C'est quoi le qadf? Bien, dans la catégorie des houdoud, des peines légales, Cheikh Mohamed Ali Firkous, Hafidahullah Ta'ala, parmi les savants d'Algérie, Salafi, il dit, il parle du sens du qadf, ma'ana al-qadf. Al-su'al, c'est une question qu'il lui posait, c'est la fatwa 1036 sur son site. Ma huwa al-qadf wa ma hiya suratu suwaruhu afwan fil waqt al-hadir. La question, qu'est-ce que le qadf et quelles sont ses manifestations à cette époque? Al-jawab, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yawmiddin. Amma ba'd. La réponse, toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la salutation soient sur celui qu'Allah a envoyé comme une miséricorde pour les mondes, ainsi que sur ses proches et ses compagnons et ses frères, et ce, jusqu'au jour de la rétribution, ceci étant dit. Il dit, Cheikh, فَالْقَدْفُ فِي سِلَحِ الْفُقَهَا هُوَ الرَّمِي بِالزِّنَا أَوْ لِوَاتِ بِزِنَا أَوْ لِوَاتِ أَوْ نَفِي نَسَبٍ يُجِبُ الْحَدَّ فِيهِمَا والقذف محرم شرعا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سورة النور فيرسي 4. ولقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سورة النور لمن سورة فيرسي 23. ولقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات عد منها صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Le qadf, dans le jargon des savants de la jurisprudence islamique, c'est quoi? L'accusation de fornication ou d'homosexualité ou renier un lien de parenté qui rend obligatoire une peine légale pour ces deux choses. Le qadf est interdit dans la religion et ce en raison de la parole d'Allah dont la traduction du sens est: et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptent plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. Surat Nour, verset 4. Et en raison de sa parole dont la traduction du sens est, ceux qui lancent des accusations fausses contre des femmes vertueuses chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Surat Nour, verset 23. Et en raison de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, écartez-vous des sept péchés destructeurs. Le prophète a dit al-mubiqat. Pourquoi j'ai traduit par destructeur? Parce que le mot en arabe mubiqat, traduit par destructeur muhlikat, car ces péchés détruisent celui qui les commet en raison des punitions qui en découlent dans ce bas monde et du châtiment dans l'au-delà. Voir l'explication de l'authentique de Muslim par Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 3, page 38. Hein? T'as trouvé quelque chose? Ok, après ça. Donc ici, c'est pour ça qu'on a traduit quoi par écartez-vous des sept quoi? Péchés destructeurs. Parce que le mubiqat, c'est le muhlikat. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a cité parmi eux le fait d'accuser faussement les croyantes chastes qui ne pensent même pas à commettre la turpitude. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءَ عَلَى أَنَّ الْقَدْفَ مُحَرَّمٌ قَطْعًا وَعَدُّوهُ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ وَلِلْقَدْفِ أَرْكَانٌ وَهِيَ الْقَادِفُ وَالْمَقْذُوفُ وَالْمَقْذُوفُ بِهِ وَلِكُلِّ رُكْنٍ شُرُوطٌ تَرْتَبِطُ بِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْقَذْفُ وَيَسْتَحِقَّ الْقَادِفُ الْعُقُوبَةَ الْمُقَرَّرَةَ عَلَيْهِ صِيَانَةً لِإِعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْأَلْفَاظِ الْقَذِرَةِ الْمُلَطِّخَةِ لِإِعْرَاضِ الْأَبْرِيَاءِ بِالتَّدْنِيسِ. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que le qadf est illicite de manière catégorique. Et il le recense parmi les grands péchés destructeurs. Le qadf, il a des piliers qui sont l'accusateur, l'accusé et ce dont il a été accusé. Et chacun des piliers a des conditions qui lui sont liées afin que cela soit considéré comme un qadf. Tout ça nous indique quoi? Que ce n'est pas des affaires faciles. Hein? C'est technique. Donc ça revient à qui? Aux ulama. Et les juges en islam. Hein? D'accord? C'est eux qui traitent ce genre d'affaires, ce n'est pas nous. Celui qui commet al-qadf mérite le châtiment qui lui incombe, et ce afin de protéger l'honneur des musulmans des paroles crasseuses qui salissent l'honneur des innocents en le souillant. Et ça, ça prouve bien que ce qu'on a dit, que l'islam il est venu aussi pour préserver quoi? L'honneur des gens. L'arad. والمقذوف به على ثلاثة أقسام. فقد يكون باللفظ الصريح أو الكنائي أو بالتعريض. Et l'accusation, al-maqdouf bih, est de trois catégories. Il se peut que cela soit de manière explicite, ou par sous-entendu, ou par allusion. Il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour kinaï et pour tarid, mais c'est des mots trop compliqués en français, donc on va traduire tout simplement par sous-entendu et allusion. وَمِنْ صُوَرِهِ أَلْفَادِ الصِّيغَ الصَّرِيحَ يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَ يَا عَاهِرَ أَوْ يَا عَاهِرَ أَوْ يَا لُوطِي فَهَذِهِ أَلْفَادٌ لَا تَحْتِمِلُ غَيْرَ الْقَذْفِ ولا تفسر إلا به. ويدخل في هذا المعنى كل عبارة تجرى مجرى التصريح كنفي نسبه عنه، كأن يقول لزوجته التي وضعت له مولودا: هذا ليس بابني، أو هذا ابني غيري، ابن غيري، ونحو ذلك. Parmi les exemples de formulation explicite, c'est quoi ? Ô toi le fornicateur, ou ô toi la fornicatrice, ou ô toi le libertin, ou ô toi la prostituée, ou ô toi l'homosexuel. On ne peut comprendre de ces paroles que le qadf. Et on ne peut les expliquer que par cela. Et entre dans cela toute expression qui est considérée comme explicite, comme le fait de renier la filiation de quelqu'un, comme celui qui dit à sa femme qui vient de lui donner un fils: lui, ce n'est pas mon fils. Ou c'est le fils de quelqu'un d'autre, etc. ومن صور ألفاظ الصيغة الكنائية يا فاجر أو يا فاجرة، يا فاسق أو يا فاسقة، يا خبيث أو يا خبيثة. فهذه ألفاظ محتملة للقذف ولغيره، إذ قد يكون المراد بالفاجر أو الفاسق أو الخبيث غير معنى الزنا أو اللواط، أي قد يراد به العصيان أو خبث الطبع. Et parmi les exemples de formulation par sous-entendu, ce qu'on appelle kinaï, ô toi le débauché, ou ô toi la débauchée, ou ô toi le pervers, ou ô toi la perverse, ou ô toi le mauvais homme, ou ô toi la mauvaise homme. Car ces paroles peuvent avoir le sens du qadf ou un autre sens. La première, elles avaient quoi? Les explicites, elles ne peuvent avoir qu'un sens. C'est quoi? Le qadf. Tandis que celle-ci, on peut comprendre le qadf et on peut comprendre autre chose. Car il se peut que celui qui est entendu ce qui est voulu par le débauché, ou le pervers, ou le mauvais homme, soit quelque chose d'autre que le sens de la fornication ou de l'homosexualité. Car il se peut que le sens voulu soit la désobéissance ou le mauvais caractère de quelqu'un. D'accord ? ومن صور ألفاظ الصيغة التعريضية أن يقول المخاصم لخصمه: ما أنا بزان ولا أمي بزانية. فهذا الذي كالذي قبله يحتمل لفظه لمعنى القذف ولغيره. ومع وجود هذا الاحتمال فإن الحدود تدرأ بالشبهات باستثناء ما إذا احتفت ألفاظه المحتملة بالقرائن التي تقوي معنى القذف وتخلفت عندئذ الشبهة. فإن اللفظ بهذا الاعتبار يجب الحد وإلا فلا. Et parmi les exemples de paroles par allusion, c'est ce que disent celui qui se dispute à son opposant. Moi, je ne suis pas un fornicateur. Quelqu'un qui se dispute à quelqu'un, hein, et qui lui dit: moi, je ne suis pas un fornicateur, et ma mère n'est pas une fornicatrice. Cela est à l'identique de ce qui a précédé, car son sens peut être compris comme un quoi, hein? Un qadf. Ou autre chose, et en raison de la présence de ce doute, les peines légales sont repoussées par les ambiguïtés. Sauf, écoutez bien la restriction ici, sauf si les paroles douteuses sont accompagnées d'indices, ce qu'on appelle des qara'in, qui renforcent le sens du qadf. Et que donc l'ambiguïté, quoi, se dissipe, et qu'on n'a plus d'ambiguïté sur ce qu'il a voulu dire. Alors à ce moment-là, la parole à cet égard rend la peine légale obligatoire, sinon pas. D'accord ? La peine obligatoire, pourquoi ? Pour al-qadf. ومع ذلك فقد يسقط المقذوف حقه بالعفو عن القاذف ولا يقم الحد على القاذف إلا بطلب المقذوف إجماعا وفي حالة ما إذا أسقط عنه الحد وإذا أسقط عنه الحد فإن القاضي يعزره وله السلطة التقديرية في تقرير العقوبة الرادعة له. Et malgré cela, il se peut que celui qui est la victime du qadf, celui qui était accusé de manière fausse, ou celle qui était accusée de manière fausse, laisse son droit et pardonne à celui qui l'a accusé de manière fausse. Et la peine légale n'est appliquée à celui qui a commis le qadf qu'après une demande de la victime du qadf, et ce à l'unanimité des savants. Et si la peine légale a été délaissée, alors le juge le punit, yu'azziruhu, et il a le pouvoir de jugement pour décider la punition qui va être répressive pour lui. Encore une fois, ça revient à qui ? Au juge en islam. وهذا الحكم إنما يتقرر عند عامة الناس هو معنى لا يخرج صاحبهم من الملة بخلاف رمي خواص الناس ممن اصطفاهم الله بالرسالة أو النبوة ونحو ذلك فإن من قذف نبيا أو رسولا يعد كفرا وردة عن الإسلام وكذلك قذف مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقذفه في الحكم. Et ce jugement n'est valable que pour le commun des gens. Et il ne fait pas sortir celui qui le commet de la religion, contrairement à l'élite des gens. Donc on parle de la masse des gens. Contrairement à l'élite des gens, qui sont qui ? Qui sont ceux qu'Allah a choisis pour être des messagers, des prophètes, etc. Car celui qui commet le qadf envers un prophète ou un messager, cela est considéré comme une mécréance et une apostasie. Et de même le qadf envers Maryam, alayhi salam, que la salutation d'Allah soit sur elle. Et son fils Jésus, Isa, que la salutation d'Allah soit sur lui. Et les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Car cela a le même jugement que commettre le qadf envers lui, alayhi salatu wassalam. Hein? Ça c'est par rapport à Shia qui accuse qui hein? En sachant qu'il accuse Zina, en sachant qu'il il rend mensonger quoi? Le Coran, la parole d'Allah Azzajal qui l'a innocenté, une force à la samawat. Et puis le cheikh il conclut, il dit وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ لِيَوْمِ الدِّينِ وَسَلَامَةً تَسْلِيمًا. Pour les frères et les sœurs qui veulent la référence, c'est le site de Cheikh Ferkous, c'est ferkous.com. Je vous donne pas, il y a le lien ici si vous voulez, on vous le retrouvez sur notre site, mais en tout cas c'est la fatwa 1036 si vous voulez la retrouver avec le numéro de la fatwa. Vous trouvez quelque chose hein? Il dit quoi? Il donnait l'ordre. Parce qu'en fait, il a dit ça alors parce que c'est lui qui a donné l'ordre. C'est pour ça que Cheikh Rabi, il a considéré que en fait, c'est le professeur Sam qui l'a fait parce que ça fait de son temps. C'est ça que tu veux dire? Physiquement. Ah ouais, bien sûr, ouais. Mais en fait, c'est lui parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Qu'il a donné l'ordre de... Ok, ça va. Barakallahu fik. Ben, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait le 19e cours. Hein? La semaine prochaine, si tout va bien, inshallah, on fait le chapitre sur celui qui dénigre l'un des... c'est quoi le titre exact? Je vais vous le dire en arabe comme ça. تبديع من تقص أحدا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفت جوجي إنوفاتور كيكونك دينيغري أن سول parmi les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et après il est assez court d'ailleurs. Après on fait tafsir النفاق l'explication de ce qu'est l'hypocrisie, puis la soumission au texte تسليم النصوص وإن لم نعلم تفسيرها. C'est Cheikh Ali Al-Jarir, il en avait parlé dans un des cours précédents, il n'y a pas longtemps qu'il a fait ici, c'est le fait de se soumettre au texte, et ce même si on ne connaît pas leur explication. Et après, l'iman bi'anna al-janna wal-nar makhluqatan wa hukman yunkiru dhalik, la croyance au fait que l'enfer et le paradis sont créés, et que le jugement de celui qui renie cela. Et après on a le fait de prier la prière mortuaire sur celui qui meurt parmi les gens de la Qibla. On avait défini c'était quoi les gens de la Qibla, vous vous souvenez hein? Et c'est même si c'est quelqu'un qui est en état de péché, qui est un pécheur. Et après cela il y a une conclusion, et puis les questions du dars, parce qu'en fait c'est le quatrième dars comme je vous avais dit. Donc vous avez vu qu'on a, on a fait déjà 19 dars, on n'a même pas fini le quatrième cours de Cheikh Rabi, parce que lui il a fait en 4 cours en arabe. D'accord? Et que chaque fois après chaque cours, il y avait des questions-réponses. Donc moi, je pense, Allah alam, sans aller trop vite, je pense qu'en 2, voire 3 cours maximum, inshallah, on devrait avoir finir au sul sunnah. Moi, je dis normalement 2, inshallah. 2, à la coulée, peut-être 3, on n'est pas pressé de toute façon. Hein? Inshallah, donc on devrait avoir finir au sul sunnah de Cheikh Rabi'. Et après cela, on verra quoi faire, inshallah. والله اعلم وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك